Des dizaines de milliers de pèlerins envahissent ces jours-ci Jérusalem. Ils encombrent toutes les ruelles qui montent vers le temple. Ils sont là pour prier, chanter les psaumes et participer aux cérémonies. Pour eux, Jérusalem est le cœur du monde et le temple le cœur de Dieu. L'un et l'autre battent le rythme du cœur de l'homme. Jésus a bientôt 13 ans. Ce n'est pas la première fois qu'il passe quelques jours à Jérusalem pour fêter la Pâque avec ses parents, mais cette fois-ci est particulière, car il ne sera bientôt plus considéré comme un gamin. Il pourra revêtir le châle de prière pour entrer dans la synagogue de Nazareth. Il pourra prononcer les bénédictions et prendre dans ses mains les rouleaux qui contiennent la parole de Dieu. Le dernier soir, avec Marie et Joseph, il retrouve quelques amis du même village pour un dernier repas. Demain, il faut se lever tôt et reprendre la route. Ce n'est qu'après un jour de marche que Marie et Joseph découvrent que Jésus, habituellement si raisonnable, n'est plus dans la caravane. On le croyait avec un oncle, un cousin, un ami, courant devant ou traînant derrière. Il faut se faire une raison. Jésus a disparu. Marie et Joseph sont inquiets et sans plus attendre, ils rebroussent chemin. 3 jours, ils vont chercher Jésus. 3 jours, il est resté assis là, au milieu des docteurs de la loi, ceux qui connaissent les écritures sacrées que l'on appelle la Torah. Il écoute, pose des questions, s'intéresse au point que ceux qui l'entendent s'étonnent de sa curiosité pour les choses de Dieu. Mais Marie et Joseph, encore pleins d'angoisse, n'avaient pas tout à fait le même point de vue. D'une voix douce mais ferme, Marie lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Nous te cherchons depuis 3 jours. » Vous connaissez sa réponse. Aujourd'hui encore, elle fait couler beaucoup d'encre. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ?» Marie et Joseph n'ont pas bien compris ce qu'ils voulaient dire. Les docteurs de la loi, encore moins. Trop accaparés qu'ils sont à parler de Dieu, ils deviennent incapables de le voir lorsqu'il passe juste à côté d'eux. C'était déjà un jour de Pâques, un jour de fête, jour de bonheur. 3 jours durant, ils t'ont cherché. 3 jours d'absence, 3 jours de peur. Pourtant, tu étais là, chez ton père, dans son temple, dans sa demeure. Bientôt viendra le temps où tout commence. Viendra le temps, viendra ton heure.